Ordre civil, section renseignement, rapport en date du 24 mai. L'activité de la dissidence depuis le mois d'avril semble s'être stabilisée. Le nombre de pertes enregistrées est de 18 FG, ce qui représente un retour à la normale. Après l'opération du nettoyage des espions, menée avec succès tout au long de l'année dernière, la fuite des espions vers la branche guerrière a été massive. Ce retour au calme semble marquer le début d'un nouveau chapitre dans la lutte. Ainsi que le bureau l'a défini, la priorité est d'éliminer les espions de notre sol, soit par effacement, soit par incitation au départ. Il est en effet urgent de reprendre le contrôle du tissu social en profondeur. Une fois les dissidents regroupés et sevrés de l'information qu'ils revendent, il faudra définir un nouveau plan d'action. Pour le moment, le nettoyage doit être poursuivi. Les espions identifiés doivent être effacés immédiatement et de manière prioritaire. Des possibilités d'évasion doivent être laissées pour les indécis ou les non-identifiés. Aucune action navale ne sera mise en œuvre dans les 4 prochains mois à l'encontre des sous-marins de sauvetage. La trajectoire de ces évasions, selon les informations livrées par l'effacé numéro 354-65-74, suivait alors une liste de lieux et de dates que Melchior lut exhaustivement. Il savait que ce message n'était pas fortuit, et lorsqu'il découvrit dans la liste le nom même de la baie où il se trouvait et la date du sauvetage prévue dans moins de 5 semaines, il ne fut même pas surpris. Ce n'était ni plus ni moins que la possibilité de s'évader qui lui était offerte, mais pourquoi ? Melchior s'allongea sur le lit et se frotta les yeux, puis il les ferma et tenta de se concentrer. Ce soir, il verrait Serena. Il la dominerait et lui extorquerait des informations. Cette question était réglée et il ne comprenait pas l'insistance de son esprit à produire des fantasmes perturbateurs à ce sujet. Il y avait en effet beaucoup plus important. Depuis son arrivée, les textes qu'il recevait étaient orientés dans le même sens. On l'informait, on lui faisait comprendre dans quel monde il vivait, avec quelles règles il lui fallait jouer. Jusqu'à maintenant, on lui proposait de s'évader. Il avait envisagé que la dissidence fût à l'origine de ces messages. Connaissant son existence par le biais de sa mère, il l'aurait d'abord préparé à la réflexion avant de lui permettre de faire un choix. C'était parfaitement envisageable. Il n'avait pas voulu être plus explicite pour laisser planer le doute, pour ne compromettre personne. Cela se tenait. Mais le plus probable était quand même que l'autorité elle-même lui ait fourni ces informations et jusqu'à la possibilité de la trahir. Comment s'assurer plus efficacement de sa future loyauté ? Melchior en savait trop, de par le destin de sa mère, pour faire partie de la population neutre. Il devait choisir son camp, et l'autorité lui faisait une offre. Que risquait-il en la refusant ? Ce sous-marin était-il réel ? L'autorité ne viendrait-elle pas à effacer de toute façon tous ceux qui viendraient à s'évader ? Ce soi-disant rapport n'avait-il pas été écrit à sa seule intention ? Puis, d'un revers de l'esprit, il balaya ses fausses questions et il n'en resta qu'une, scintillante, simple, opératoire. Voulait-il s'évader ? Si tel était le cas, nul doute qu'il fût prêt à risquer le tout pour le tenter. Si tel n'était pas le cas, la question ne se posait plus de savoir qui le lui proposait. Un grand calme l'envahit alors. Il pensa à sa mère, liquidée dans le noir, ayant gâché sa vie sans le moindre résultat. Le calvaire qu'elle avait gravi était-il chargé de sens ? Ou bien n'était-ce qu'une immolation absurde sur l'autel de l'inadaptation à son milieu ? Épuisé par ses réflexions, Melchior s'assoupit et rêva d'une étreinte violente avec Serena.